filon, pas de passe ici. Moi c'est Marvin Gaye, un verre de Sky et mes possibles. J'trop high, je te passe le pilon, passe-moi le Sky. Fire, fire, ouais mec, j'suis die. Ouais, mec. Trop bien, c'est trop bon, j'suis à fond. Dans mon état second, j'suis tellement que j'ai percé le plafond. A cause de la son voix, tes masses sont froides, cette jambe sont là. Venez pas me commenter, j'laisse mon pilon parler. Oh, par les couilles, j'prends le taureau. Par les coups, bas, j'abats les bords sur ce flow. Jusqu'au verre de trop. Rejetez-moi à la mer, en plus j'dis que de la merde, mais j'mets le son plus fort. Et j'mets le son plus fort. Et j'mets le son plus fort. Là j'en suis mort. Et j'mets le son plus fort.